Toujours à la descente du lit, 8h10 minutes, et on accueille en studio maintenant Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, le ITIS, ici à l'Université Laval. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors tu vas être avec nous pour toute la session, donc tous les vendredis, 8h à peu près 5-10 minutes, on t'aura avec nous pour parler des technologies de l'information, qui est un sujet beaucoup plus large que ce qu'on entend parler habituellement. Mais exactement, ça englobe autant la culture, la santé, la gouvernance, le développement durable, les médias sociaux, etc. Alors on a là un très très beau terrain de jeu, et on va s'intéresser autant à des initiatives qui sont développées, qui sont présentées ici à l'Université Laval, mais on va sortir aussi de l'université, on va aller voir ce qui se fait dans le milieu des affaires du Québec, du Canada, à l'international. Alors, des petits survols. Et pour cette semaine, je me suis dit, on va s'intéresser peut-être d'emblée à une activité qui a été présentée sur le campus la semaine dernière, un colloque international qui s'appelle « Regard sur le numérique ». Et donc, des réflexions qui sont plutôt liées aux relations qu'on entretient avec les technologies et des fois avec des questionnements qu'on n'a pas nécessairement quand on utilise notre ordinateur, que ce soit Windows ou Mac, quand on utilise notre iPod, notre iPad, notre iPhone et le reste. Parce que il y a une des réflexions qui était amenée par Philippe Aigrin, qui lui est fondateur et directeur général de Cepinespace, qui est la quadrature du net, donc un organisme français, et qui lui dit essentiellement que aujourd'hui on n'a plus nécessairement un grand accès à la programmation au sens large, dans la mesure où quand on utilisait les ordinateurs dans les années 80 dans MS-DOS, on rentrait des commandes texte, on pouvait avoir un impact direct dans le fond sur ce qui se passait, le bon vieux temps peut-être, mais tranquillement, dans le fond, avec l'évolution des technologies, on a limité peut-être un peu l'impact que l'usager peut avoir sur sa machine. Donc, on a de plus en plus d'icônes qui sont utilisées, et donc, on a de moins en moins aussi de possibilités d'aller jouer un peu, que ce soit dans les codes initiaux, même dans les codes un peu plus approfondis des logiciels. Faut de plus en plus être un expert pour pouvoir s'amuser avec ces éléments-là, ou pouvoir peut-être minimalement faire des légères adaptations des programmes en fonction des usages qu'on a réellement besoin. Mm-hmm. Alors lui dit qu'il y a une certaine opacité, dans le fond, qui se fait de plus en plus présente sur nos appareils. Et je le cite en fait aussi, j'ouvre les guillemets, il dit « Les appareils comme les smartphones et beaucoup d'autres sont à la fois la face visible de l'informatique et ce qui la cache. Le cœur de dispositif de calcul est invisible. Au plus se présente-t-il en surface comme un autocollant. Et à l'opposé, ben, les organes périphériques ou les boîtiers sont souvent perçus aussi comme l'essence même de l'appareil. » Donc, essentiellement, ça teinte aussi la relation qu'on entretient avec le développement technologique. Souvent, c'est la technologie qui prime. Mm-hmm. Et on essaie de pousser que ce soit l'appareil ou les possibilités graphiques ou le reste, mais on réfléchit pas nécessairement avec comment l'usager peut pouvoir prendre possession de sa machine et dire, OK, mais je vais l'adapter à mes besoins selon ce que je veux et non me faire imposer tout simplement un prédéfini. Exactement. Et quelle est la relation aussi que j'ai besoin d'entretenir avec cette machine-là au-delà d'avoir le nouvel appareil en vogue, là? Est-ce qu'il a fait référence, par exemple, que ça pourrait être tout simplement dû à la spécialisation? C'est tellement rendu complexe. Les programmes sont tellement rendus complexes. C'est plus deux, trois commandes qui permettent de lancer des programmes. C'est un paquet de commandes qui se lancent automatiquement et humainement le faire, ce serait pratiquement impossible. Ça prend la technologie. Donc où est l'équilibre dans tout ça? Est-ce qu'il l'a mentionné? Ben en fait, il se posait la question justement à savoir comment créer cet équilibre-là, parce que d'un côté, il faut dire qu'en utilisant une iconographie, il y a un confort absolument total dans le fond pour surfer un peu d'une application à l'autre. Et c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin d'aller en profondeur dans sa machine, mais par contre, il faut permettre à l'usager de pouvoir avoir ce contrôle-là. Et donc, comment avoir un équilibre entre une utilisation iconographique confortable et une réflexion, une intelligence aussi face à notre machine? Et parallèlement, en fait, parce que cette conférence-là était sur le thème de la citoyenneté de la société numérique, donc il y avait cette première réflexion-là qui était présentée. Et dans un deuxième temps, on essayait de voir aussi dans quelle mesure, bon, on parlait d'opacité au niveau des machines, des codes, est-ce que cette opacité-là, entre guillemets toujours, est présente quand on surfe sur Internet, quand on va sur la toile? Et c'est là qu'est intervenu notamment un sociologue du net qui travaille au laboratoire des usages d'Orange Labs à Paris. Mm-hmm. Il s'appelle Dominique Cardon. Il a aussi écrit un livre assez intéressant qui s'appelle « La démocratie Internet » que je recommande aux auditeurs et auditrices d'ailleurs. Et lui dit en fait que sur Internet, bon, il y a énormément d'informations, énormément de propos qui sont énoncés, qui sont émis. Et la question aujourd'hui, c'est plus nécessairement de rendre accessible cette information-là parce qu'elle l'est, donc une accessibilité at large, si on me permet l'anglicisme, c'est plutôt de trier cette information-là. Mm-hmm. Et on arrive dans une société où l'information qui est disons, qui était mise et pas nécessairement publique non plus parce que difficilement accessible. Nécessairement, en fait, si on cherche une requête sur Google ou sur un autre site, ben il y a des milliers de références qui nous sont données. Et il y en a, si on va creuser dans les 20-25e pages de référence, il y a sûrement des éléments qui sont encore en lien, qui sont encore en rapport avec ce qu'on propose, qui pourraient être intéressants, mais au bout du compte, qui se rend là aussi dans sa recherche? Et cette information-là, donc, qui est reléguée aux oubliettes, dans quelle mesure elle est réellement accessible, elle est réellement visible? Alors, selon lui, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller la chercher aussi? Parce qu'on sait souvent la façon dont les moteurs de recherche fonctionnent. Bon, ce qu'on a en haut, souvent, c'est aussi, disons, le lien qui a le plus de clics. Donc, c'est un cercle vicieux. Là. Ça finit toujours par... Il y en a un qui prend les devants et après ça, ben là, c'est impossible d'aller chercher. Donc, est-ce qu'il y a moyen, selon lui, d'aller chercher cette information qui est plus loin? Ben, en fait, c'est justement dans le système de classement. En fait, chaque système de classement, de référencement qu'on utilise pour le web a ses défauts, a ses qualités. Présentement, en fait, on parle d'à peu près 90% des pages proposées par un moteur de recherche comme Google, par exemple, qui sont utilisées, qui sont retrouvées sur 10% des sites qui existent sur Internet. Donc, c'est pratiquement, lui utilisait le terme oligarchie côté référencement. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est, je pense que ça vaudrait la peine de remonter un peu dans le passé pour voir l'évolution des modes de classement, justement, d'une période à l'autre. Bon, parce qu'on se rappelle au début d'Internet, en 95-96, le maître d'œuvre de tout ça, c'était Yahoo. Et Altavista. Ouais. Et dans Yahoo, c'est un classement manuel. En fait, c'était les gens donc qui recevaient des sites qui classaient avec parfois des modes un peu plus particuliers, pourrait-on dire. Et éventuellement, ça a progressé. En fait, il y a d'autres systèmes qui sont venus en cours, qui se sont intégrés. On pense à Google justement, qui lui a mis en place un système d'autorité des documents. Ensuite, est venu le classement par infinité de Facebook. Il y a Twitter aussi qui est dans le fond beaucoup plus une référence dans l'immédiateté, dans l'instantanéité. Alors, mais qui permet aussi en même temps, Twitter permet quand même, en tout cas si je peux me permettre, on a l'impression du moins que ça vient, vu qu'on a accessibilité, vu que c'est nous qui choisissons l'information, ou du moins quelle information on veut avoir, au moins on peut aller chercher peut-être sous ces différentes strates là qui sont accessibles ou non. Mais en fait, c'est peut-être Facebook et Twitter dans le fond, c'est directement d'usager à usager. Mm-hmm. Parce que les classements Facebook, je parlais de système d'autorité, c'est pas en fait le plus grand nombre de pages vues qui va déterminer l'autorité du document, c'est le plus grand nombre de citations qui renvoient vers ce document-là qui va déterminer si ce document fait autorité. Donc s'il y a un site qui fait un lien vers un document sur un autre site, et en fait, ça va donner un vote entre guillemets à ce document-là dans les référencements. Et aussi, plus ce document-là est référencé par un site qui est important, qui est majeur, qui est lui-même beaucoup référencé, ben plus ce vote-là va avoir d'impact, va avoir du poids, exactement. Donc tous les votes ne sont pas égaux dans la guerre des citations entre guillemets. Et ça, ce système-là venait remplacer parce qu'avant, la plupart des moteurs de recherche c'était lexical. Donc on entrait un mot-clé et on analysait le nombre de fois que ce mot-clé-là se retrouvait dans un texte pour déterminer si ce texte-là en lien avec ce mot-clé-là était pertinent, faisait autorité. Donc on s'est dit, mais ça marche pas vraiment parce qu'on peut tellement tricher facilement en rajoutant un mot des centaines de fois en blanc dans le fond de la page. Alors, ils se sont dit, on va essayer de créer un système où les internautes qui émettent de l'information déterminent la valeur et l'autorité des textes. Mais, comme on le disait tout à l'heure, ça amène à un résultat qui est coup-ci, coup-ça. 90%, je le rappelle, des pages proposées par un moteur de recherche qui rassemble 10% des sites retrouvés sur le web. Alors, c'est un problème qui fait que, justement, il y a des réflexions vers d'autres types de méthodes de classement, de référencement. On parlait du peer-to-peer tout à l'heure, donc de personne à personne via Facebook ou Google. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le Edge Rank. Mm-hmm. Et essentiellement, c'est un système de proximité sur lequel Facebook organise les systèmes d'information sur la page de nouvelles. Alors, le contenu jugé intéressant pour chaque utilisateur est déterminé par les affinités qu'il a développées sur Internet. Donc, si toi et moi, David, on interagit beaucoup sur Facebook, va finir par se rendre à nous. Exactement. Et par rapport à ça, on nous reste encore peut-être 2 minutes. Par rapport à ça, je pose la question, peut-être que ça a été mentionné pendant le colloque là, sur le numérique, mais moi j'ai l'impression, en tout cas depuis un certain temps, que aussi en fonction, là, même sur Google, j'ai l'impression, même si t'arrives avec t'as pas nécessairement d'antécédent ou t'effaces tout ton historique ou quoi que ce soit, on dirait que quand t'arrives puis que t'écris, bon, par exemple, ton nom ou le nom d'une autre personne qui est proche de toi, tu vas quand même tomber sur la page la plus proche, même si des, par exemple, je sais pas moi, je vais donner un nom fictif, même si des Philippe Tremblay, il y en a peut-être 500 au Québec, mais je vais toujours arriver avec le premier que je connais, même si mon historique est vierge dans ma page d'internet. Donc je sais pas s'il y a aussi maintenant un nouveau système de classement sur Google, mais j'ai l'impression que ça a quand même un lien, là. Oui, ben en fait c'est la notion de géolocalisation. Donc on détermine où est l'usager, et donc ce qui fait que s'il cherche une actualité, mais plutôt que d'avoir le site d'un journal français ou belge, mais je vais avoir le site d'un journal québécois, parce que dans le fond l'ordinateur et donc par extension le moteur de recherche est en mesure d'identifier que je suis au Québec, je suis à Québec, et donc que je risque d'être plus intéressé par des sources qui relaient l'information qui sont proches de moi. Un peu comme sur Facebook, on va avoir justement des affinités géographiques qui vont venir en place. Alors ça, c'est un autre élément pour nous permettre peut-être d'affiner un peu les recherches ou que les moteurs de recherche sont intégrés pour éviter peut-être justement une certaine dérégionalisation, si on peut dire, de l'information. Donc ça c'est intéressant comme addition, mais reste que même avec ce contexte-là, ben on peut remarquer de recherche en recherche qu'il y a toujours cette domination à laquelle faisait référence monsieur Cardon. Et l'autre question, ça sera de voir en fait aussi comment, bon, avec Google+, avec Facebook, comment les plus 1, comment les j'aime et les retweets, on peut dire, vers d'autres titres, comment ils vont être intégrés aussi? Est-ce que, parce que présentement, c'est pas nécessairement un vote, entre guillemets, pour le texte, mais on imagine que ça va le devenir. C'est un vote d'appréciation, mais à un moment donné, ça pourrait devenir un système de classement. Exactement. En fait, être intégré facilement dans le PageRank de Google, au même titre, dans le fond, que si Patrick Lagacé mentionne un texte, ben, ça peut avoir un impact sur ce texte-là, sur son référencement, mais ben, au même titre que si toi et moi, on décide de faire j'aime sur le texte sans nécessairement le rediriger sur notre Facebook. Mais ça pourrait aussi avoir un impact et donc peut-être aussi éventuellement venir rebalancer ces problèmes d'oligarchie-là, parce qu'on redonne aux lecteurs un impact peut-être sur le référencement, sur le classement des textes, parce que présentement c'est d'émetteur en émetteur et c'est entre eux, dans le fond, qu'ils déterminent la valeur de la chose. Donc si avec ce système-là, nous, usagers, on est en mesure d'avoir un peu plus d'impact, mais peut-être que ça va changer le système pour le mieux. Et on peut aussi se demander si c'est quasiment nécessaire, parce que bon, oui, on reçoit une infinité de contenu par rapport à ce que, mais peut-être que c'est nécessaire aussi devant la surabondance. Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser, parce qu'avec la quantité d'informations qu'il y a là-dessus, donné, faut filtrer, faut classer, puis si ce qu'il y a de plus crédible reste en haut, ben tant mieux. Moi, je veux dire, je pense qu'il y a plusieurs utilisateurs qui vont être bien contents de ça. Mais ce qui est drôle, et M. Cardon faisait la mention au départ, c'est qu'Internet voulait une source d'information plus ouverte pour essayer de donner une voie additionnelle et contourner peut-être un peu les médias traditionnels qui étaient vus comme le filtre, ou comme on dit en anglais, le gatekeeper de l'information. Et finalement, on se retrouve avec, au bout du compte, un autre système de gatekeeper qui a d'autres schèmes de référencement, mais sur lequel on a peut-être, en tant qu'usager, avec l'évolution des technologies, avec l'évolution de la personnalisation de la navigation, peut-être un peu plus d'impact. Je vous laisse peut-être sur sa conclusion en terminant, parce que c'est des réflexions qu'on lance aussi. Donc, lui disait, en fait, actuellement, la perception du fonctionnement des algorithmes, la manipulation dont ils font l'objet, donc les algorithmes, c'est les chaînes de classement. Donc, la compétition qui oppose les différents types de classement ne font pas partie de la littératie ordinaire des internautes. Et sans doute, cette vigilance est-elle indispensable si nous ne voulons pas que l'espace public de l'Internet soit normalisé. Alors, celui, ce qu'il dit, c'est, d'une manière ou d'une autre, quel qu'en soit l'usage qu'on en fasse, la nécessité qu'on en ait également d'interagir plus profondément avec les différents systèmes, faut garder en tête que cette interaction-là doit demeurer possible, et qu'il y a des limites aussi qui existent face à cette utilisation-là, et il faut également en demeurer conscient. Excellent. Mais merci beaucoup, Raymond. Et il y a une activité aussi qui sera organisée là, dans quelques semaines de votre côté aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir là, exactement? Oui, on aura l'occasion d'ailleurs de revenir là-dessus la semaine prochaine. En fait, c'est une conférence qu'on organise à la chapelle du Musée de l'Amérique française en collaboration avec le Musée de la Civilisation. C'est dans le cadre de leur exposition « Rome, des origines de la capitale à la capitale d'Italie ». Alors, c'est une conférence qui a lieu lundi le 3 octobre à 19h30. C'est autour, en fait, de l'utilisation de la 3D, de la modélisation dans la recherche historique, bien entendu en lien avec tous les discours autour de Rome, parce qu'aujourd'hui, ben en fait, c'est encore possible, avec des projets comme Rome Reborn, d'aller faire un tour dans la Rome de l'Antiquité. Alors, on va vous proposer une incursion dans l'univers, donc, de ces représentations virtuelles-là. Donc, ça, c'est lundi le 3 octobre à 19h30. Mettez ça à l'agenda. Il y a un léger coup à l'entrée et ça risque d'être très intéressant. Merci beaucoup, Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société. Merci beaucoup. Et on se retrouve vendredi prochain. Excellent. Merci beaucoup. Alors voilà, très intéressant. Alors, on va voir ça. On va voir Raymond. Pas ça, Raymond, mais bref, on aura Raymond. Toute la session, alors, si ça vous intéresse, très certainement que ce sera très pertinent, comme ce matin. Alors, bref, on est très content de l'avoir avec nous. Mais